Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir al-qa'ida al-thalitha. On a étudié ensemble dans le dernier cours la troisième règle fi asma'illahi azza wa jal concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ma hi hadhihi al-qa'ida? نعم تفضل. القاعدة الثالثة هي اسم الله تعالى إما متعدي إما غير متعدي. بقي شيء. فإن دلت على اسم متعدي. اسم الله تعالى زد. اسم الله تعالى إن دلت على اسم متعدي. على وصف. على وصف متعدي يتضمن إلى نعم تضمنت هذه القاعدة ثلاثة أمور. Si هذا الاسم il englobe un attribut parfait et هذا الوصف المتعدي ça va impliquer trois choses. Et s'il est غير متعدي تفضل أمرين نعم deux choses. Donc s'il est متعدي trois choses et s'il n'est pas متعدي هذا الوصف deux choses. عندما إن كان متعديا يتضمن ماذا؟ تفضل. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم اسم الله عز وجل. نعم. الثاني. الأمر الثاني ثبوت صفات التي تضمنها لله. تضمنها. Ça revient quoi le ضمير؟ ثبوت الصفة التي تضمنها أي الاسم نعم زيد الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها اي نعم أحسنت. Donc ces trois choses إن كان الوصف متعديا ثبوت الاسم والصفة والحكم كذلك بعضهم يعبر بالأثر. ما معنى قولهم avant de citer un exemple, ما معنى قولهم الوصف المتعدي والوصف الغير المتعدي, ما معنى هذا؟ Et c'est important pour comprendre هذا الكلام. عندما تفضل الوصف المتعدي هي التي لها أثر على الغير. أحسن. الوصف المتعدي هو الذي له أثر على الغير. مثل ماذا؟ مثل الله عز وجل هو الرحمن عنده صفة الرحمة فيرحم لمن يشاء. نعم فهذه الرحمة الله سبحانه وتعالى يرحم بها من شاء. الله سبحانه وتعالى في ميزيقيكورده كئيب فسرحيم الرحمن عز وجل سدينون الله سبحانه وتعالى سينون بيان سور إذا انقلب صفة الرحمة الله سبحانه وتعالى يرحم يرحم إلى صفة الرحمة إلى troisième أن الله سبحانه وتعالى يرحم أي يرى فعل une action أن الله سبحانه وتعالى يفرع ميزيريكورد أكيد وهكذا اسم الغفور وهكذا اسم السميع on a cité beaucoup d'exemples. Ça c'est si الوصف المتعدي et si غير متعدي عندما من هنا تفضل إن كان غير متعدي فماذا يتضمن ماذا؟ ليس أثر. لا يتضمن ماذا؟ أمرين ما هما؟ الأول. أول اسم الله. ثبوت. ثبوت ذلك اسم الله. نعم ثبوت ذلك الاسم. والثاني. والثاني ثبوت ثبوت ثبوت صفاتي التي تضمنها. ثبوت الصفة فتثبت الاسم تثبت الصفة هذا واضح هذا إن كان غير متعديا. Et on avait expliqué en détail ولله الحمد dans le درس et on avait détaillé avec des exemples. Dans la langue française il y a هذا الشيء كذلك Et là, Allah, ça facilitera à certains. Dans la langue française, il y a des verbes muta'addiya et ghayr muta'addiya. Ce qu'ils appellent les verbes transitifs et les verbes intransitifs. C'est la même chose. Les verbes transitifs, ils ont besoin d'un complément. Comme en arabe, un maf'oul. Les verbes intransitifs, ils n'ont pas besoin de complément. Ghayr muta'addiya. Fa mathalan, si on dit en langue française, les élèves marchent, tu n'as pas besoin d'un complément. Tu comprends. Les élèves, ils marchent. Hada ghayr muta'addi, intransitif. Un verbe transitif en langue française, mathalan, l'électricien vérifie, t'es obligé de citer une chose. Il y en a, la vérification, elle se fait sur une chose. Il vérifie quoi? L'électricien vérifie l'installation, l'électricien vérifie le circuit, l'électricien vérifie telle chose. Hada, c'est un verbe transitif et il a besoin d'un complément. Il a besoin d'un complément pour que la phrase, elle soit complète. Là, tu as un verbe, tu as un sujet, tu as un complément. En langue arabe, c'est la même chose. Tu as un fi'l, un fa'il, et ahyanan, tu as besoin d'un maf'oul. C'est al-fi'l al-muta'addi. Et ahyanan, tu as besoin que du sujet et du verbe. Fahada ghayr muta'addi. Pourquoi on détaille pas comme ça pendant les cours les amrayn? Pour deux raisons. Awalan, dans certains cas, ça compliquerait les choses plus que de les faciliter. Par exemple, dans notre dars, on a expliqué muta'addi ou ghayr muta'addi sans traduire ces deux mots, lakin tous les frères, ils ont compris avec le mithal et avec l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. Et on a essayé de faciliter ensemble. Donc on n'a pas besoin de hada. Khassatan fil asma'i wa sifat. Ahyanan, si tu veux tout traduire et expliquer هذه الألفاظ العظيمة avec une autre langue, فأحيانًا peut-être que l'élève y comprendra autre chose. Ou ça peut compliquer les choses. فلهذا on n'a pas besoin de هذا. ثانيًا on vient de le citer في الحقيقة أن الطالب il peut mal comprendre et là je sais que ça prendrait du temps. Et أهم من ذلك أن ça nous obligera toujours à avoir un lien avec la langue française. Mais vous, مثلاً, بعضهم tellement qu'ils se sont habitués aux traductions, quand tu vas lire cette règle, أسماء الله تعالى, إن دلت على وصف متعدي إلى آخره, أول شيء va vouloir traduire. Et هذا celui qui est tout seul, il y a une traduction, si elle est bien faite, طيب, لكن dans des دروس في الحقيقة, on n'a pas besoin. Vous avez remarqué qu'on n'a pas traduit nous, la règle mot à mot. Lakin, quand on a posé les questions à tous les frères, wallillahi alhamd, ils ont compris. Donc ne pas faire cette erreur d'essayer de tout ce qu'on étudie en langue arabe, on essaie de le comprendre avec la langue française. Là, comprends al-mas'ala avec un mithal, avec kalam al-alim, bien sûr, on fait dans les deux langues. Il y en a kathir, mais l'ikhwa, ils ne maîtrisent pas encore la langue arabe. Avec cette méthodologie, tayyib, à m'a vouloir tout traduire. أسماء الله on le traduit, إن دلت on le traduit, وصف الله on le traduit, متعدي on le traduit, تضمن الثلاث أمور on le traduit. حقيقة, ça sera de la traduction. Et la traduction, ça ne veut pas dire que c'est compris. C'est pour ça que beaucoup de traducteurs, c'est pas des talabat ilm. Et mes babes, ce n'est pas des savants. Certains traducteurs, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. لكن, surtout à notre époque avec les logiciels, il a akhiré, بعضهم, ils arrivent à faire une traduction correcte. Et pardon, vu que c'est pas des étudiants, ils ont pas étudié هذا العلم الشرعي, ahyanan ils se trompent des erreurs très très graves, khassatan fi hadha al-bab. On n'a pas besoin de tous ces mots compliqués dans l'aqida. On essaye de comprendre kalam ahl al-ilm, et quand le mot il est compliqué, مثل متعدي, on n'a pas besoin de traduire avec les verbes transitifs, intransitifs. Les mecs, il y en a beaucoup les choix, ils connaissent pas ces choses en langue française. Donc il aura un problème dans l'arabe, il n'a pas compris متعدي, et en français on lui rajoute un autre problème, les verbes transitifs, intransitifs. Obama il comprend pas. On n'a pas besoin de هذا. Au lieu d'exposer le problème en langue française, et ça nous fait un autre problème, et on est obligé de retrouver une explication et simplifier, directement on explique en langue arabe. Muta'addi, ça veut dire qu'il a besoin d'une chose, et on l'explique avec un mithal, alhamdulillah. Et au lieu de traduire, verbe transitif, et tu vas t'accrocher à هذا, et tu vas oublier l'arabe, tu n'as pas besoin, garde le mot muta'addi. Tu l'as compris, alhamdulillah. On n'est pas là pour traduire. Ensemble, on ne fait pas la traduction du livre. Là, le livre, il est traduit, celui qui a besoin. Lakin, nous, on est là pour comprendre. Et là, ça nous montre qu'on peut comprendre sans traduire. Mot à mot. Là, tu expliques. C'est un fa'al. Hada, mujarrad tanbih. Lakin, on a cité hada pour montrer qu'en langue française, kadhalik, il y a ce sujet de transitif, intransitif. Muta'addi, ghayr muta'addi. قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام هذه القاعدة كذلك سلي على لانج أغب فpour la comprendre il faut bien sûr saisir ses sens المطابقة والتضمن والالتزام. أولا avant d'expliquer هذه القاعدة et bien sûr avec l'exemple que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité بإذن الله عز وجل اعلم أن هذا c'est pas خاص بأسماء الله عز وجل دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته إلى آخره تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام c'est pas que pour الأسماء أسماء الله بل سدلالة الألفاظ عموما ككمسة فمن المفيد إن شاء الله تعالى c'est de citer un exemple avant autre que dans les noms d'Allah سبحانه وتعالى ثم si on a compris vous verrez que ما يتعلق بأسماء الله عز وجل ça sera très simple. أولا قوله بالمطابقة أو on reprend du début دلالة أسماء الله تعالى. Et quand tu as un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant Al-Khaliq, c'est l'exemple qu'il a cité chez Ibn Uthaymeen, rahimahullah, فَهَذَا الْإِسْمِ سَتَسْتَفِيدْ مِنْ plusieurs choses, comme on l'a vu auparavant. On a vu que chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique, ça englobe un attribut parfait. فِي الْحَقِقَةَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ c'est la suite de ce qu'on vient de voir. Et vous allez voir que beaucoup de choses qu'on va citer aujourd'hui ensemble, on les a déjà vues. Enfin, on répète l'un. قوله رحمه الله دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. Trois choses. والشراح, ils ont expliqué هذه الألفاظ الثلاثة. C'est trois mots. المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة دلالة المطابقة ما هي؟ هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. Et inshallah, si vous avez besoin de ces tarifs, on les recopiera à la fin du cours. أولا, écoutez. Si vous avez compris, l'écriture c'est très simple. C'est la compréhension qui demande le tarkid. أما l'écriture, inshallah, je vous dicterai et vous noterai. المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. Là, si on fait un schéma pour vous simplifier, ahsan, lianna hadi alqa'ida tushkil ala ba'd at-tullab. On a dit anna hadhihi alqa'ida dalalatu asma'i Allah ta'ala fi alhaqiqa hadhihi ad-dalala c'est pas que pour al-asma', asma' Allah ta'ala. Fa si tu prends n'importe quel lafz, on va prendre lafz de la maison, une maison. Ça c'est une maison. Ici, on fait une porte. Ça, c'est une maison, c'est un lafz. Al-bayt. Had al-lafz. Tu verras que tu pourras employer les trois choses. Al-mutabaqa, wa-tadhammun, wa-l-iltizam. Si on prend le premier, dalalatul mutabaqa, ça veut dire quoi dalalatul mutabaqa? Dès que tu entends ce lafz, al-bayt, un lafz, il y en a ces choses qu'on vient de citer, c'est fi jami' al-alfad. C'est pas que dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alfad, c'est les mots. Matalan, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-sami', c'est un lafz. Donc, quand tu entends lafz de sami', tu pourras employer les trois choses. Quand tu entends le mot al-bayt, c'est la même chose. Had al-lafz. Quand tu entends al-bayt, ce lafz, yadul ala maada bil mutabaqa, qala dalalatul lafz ala tamam al-ma'na alladhi wudi'a lahu. Quand tu entends le bayt, tu comprends automatiquement des fenêtres. Automatiquement une porte. Automatiquement, on a un mur, avec des briques, un toit. C'est ça une maison. Une maison, c'est fait de briques, c'est des fenêtres, c'est une porte pour rentrer, c'est un toit, un plafond. Donc, quand tu entends le mot bayt, bil mutabaqa, tu comprends toutes ces choses. Tu ne comprendras pas autre chose. Si on cite un autre exemple, maintenant un livre, c'est un love, tu peux le citer ici, kitabun. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Automatiquement, tu vas comprendre des feuilles, de l'écriture. Il a une chose pour relier les feuilles, les pages entre elles. C'est ça un livre. Avec une couverture. En général, elle est plus épaisse que les pages. Ça, c'est al-mutabaqa. Al-mutabaqa, on répète, dalalatul lafz. Ce lafz, yadul ala tamam al-ma'na. Et tu vas comprendre un toit, des fenêtres, une porte, un mur, etc. Ici, on met... Oh, on change de couleur, que ça soit plus clair. Ça, c'est al-mutabaqa. Al-mutabaqa. Le deuxième, وَبِالتَّظَمُّنْ, quand tu entends le mot bayt, بِالتَّظَمُّنْ, tu comprends quoi? Une de ces choses, pas toutes ces choses. فَبِالْمُتَابَقَةِ, tu comprends que al-bayt c'est kada wa kada wa kada, toutes ces choses pour qu'il y ait une maison. Et puis, التَّظَمُّنْ, une de ces choses. Si je te dis, cite-moi une chose d'une maison, un élément, فقط, tu peux me dire les briques. Si il y a une maison, c'est forcément qu'il y a des briques. Ou la fenêtre, une fenêtre. Une maison, c'est qu'il y a des fenêtres. Ou une porte. Tu cites qu'une, tu ne cites pas toutes. Al-Mutabaqa, c'est toutes les choses qui font Al-Bayt. Al-Tawamun, c'est une de ces choses. On va prendre sur le mur. Et on va écrire Al-Tawamun. Qala wa dalalatul iltizam. On lit, nous, من التحقيق. المحقق il a cité هذه التعريف. دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له. Quand tu entends le bait, forcément, tu vas penser à une chose extérieure. Tu vas penser à une chose extérieure de la maison, mais cette chose, elle a un lien avec le bait. Là, tu peux citer une chose extérieure, elle n'a aucun lien avec une maison. Aucun lien. Enfin, quand tu entends le mot bayt, tu comprends forcément il y a eu un maçon. Labd. Il y en a cette maison qui est faite de briques, de portes, il a akhiré. Fala chaque anna un maçon. Un maçon, il a travaillé. Kazalik un électricien, kazalik un plombier. Des choses extérieures. Il y en a cette maison. L'abou d'un maçon pour qu'elle soit bâtie, thumma il faut de l'eau, de l'électricité, donc une chose extérieure. Est-ce que le maçon, il fait partie de la maison? Là. La preuve, c'est qu'une fois elle est finie, une fois que cette maison elle est finie, il n'y a plus de maçon. Le maçon, il rentre chez lui. Obama, ce maçon, il décède et la maison, elle est toujours présente. Min lafz al-bayt, tu comprends lafz sahibu al-bina, ou celui que alladhi bana hadha al-bayt. Et cette troisième chose, dalalatul iltizam, elle ne fait pas partie directement de la maison. Laquelle elle est liée? C'est ça, dalalatul iltizam. On écrit ici, al-iltizam. Tu as les trois, al-mutabaqa, al-tadammun, al-iltizam. On revient au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dalalatu asma'illahi ta'ala, دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. Et on a dit هذا c'est valable pour autre que les noms d'Allah. Même l'autre. Et tu trouveras qu'il a une dalala بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. On a donné l'exemple avec Al-Bayt. Et on aurait pu donner l'exemple avec un livre. Si un livre, c'est qu'il y a des pages, une couverture, de l'encre, etc. كذلك, si tu dois citer qu'une chose de ce livre, tu pourras citer une page. Et كذلك أمر خارجي, c'est un livre, c'est qu'il y a un auteur. Le livre, il ne s'est pas écrit tout seul. C'est qu'il y a un auteur. Enfin, ce livre, l'auteur, c'est Cheikh Ibn Uthaymeen. Quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui a imprimé, quelqu'un qui a beaucoup de choses. On revient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. Quand tu entends le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, الخالق, tu comprends min hadha al-lafz, min hadha al-ism al-azim, anna al-khaliq c'est Allah, et anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a sifatul khalq. On revient à la deuxième règle. On revient à la deuxième règle. Chaque nom, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu comprends que c'est un nom d'Allah et tu comprends qu'il y a une sifa, un attribut parfait. هذا c'est قوله أو قوله بالمطابقة. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. La deuxième dalala, التضمن. Quand tu entends الخالق, tu comprends que Allah c'est le خالق. Et كذلك tu comprends أن الله il a صفة الخلق. وحدها مفهوم. Les deux c'est المطابقه. Et si tu cites qu'une des deux, c'est التضمن. C'est très simple. قال ويدل. Et c'est ça, et c'est là que c'est très très important. Amma, ce qu'on vient de citer, فتقدم معنا أن les noms d'Allah سبحانه وتعالى, ça renferme un attribut parfait. قال ويدل على صفتي بفتح التاء على صفتي حذف النون لأنه لمضاف. قال ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. Ça veut dire quoi هذا؟ Ça veut dire que Allah c'est le خالق. Donc ça. Ça, on comprend que Allah, c'est le Khaliq, c'est un de ses noms, et c'est le créateur, il a sifatul khalq, il crée ce qu'il veut, quand il veut, Azza wa Jal. Si tu as compris hada, min hada l'ism, tu vas comprendre une fa'ida azima, c'est ça, dalalatul alfad, bil iltizam. Tu vas comprendre, min al khaliq, an Allah, forcément, il a du ilm et il a de la khudra. Limada, li anna le créateur, si Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il est capable de tout. La preuve, nous, on ne peut pas créer les mains, on n'est pas capable. On est ajiz via dal-hal. Et كذلك sifatul ilm. Le créateur, il a du ilm. Fata'ammal matalan Allah, il a créé l'être humain, il a créé les cieux et la terre. Tout ça, c'est fondé sur l'ilm. Prends que le corps de l'être humain comme il est compliqué. Lâchez qu'on a celui qui a créé ce corps, il a du ilm. Et كذلك, il a une qudra azima. C'est pour ça que tous les êtres humains, si on se rassemble pour créer une toute petite créature, un tout petit insecte, on ne pourra pas. On va arriver au sang pour créer le sang, na'jaz. On va arriver à l'âme, on ne peut pas. Donc, min ism al-khaliq tastafid deux autres sifat. Et deux autres ism. An Allah subhanahu wa ta'ala c'est le qadir et c'est l'alim. Et an Allah il a du ilm, il a une qudra mutlaqa tam. C'est ça l'explication de cette règle. Mais vous, on répète. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أي un nom, quand tu auras un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un texte, فلا شك أن هذا اللفظ ستستفيد منه. C'est ça, قوله دلالة أسماء الله. أي ce nom il va te montrer أن الله subhanahu wa ta'ala il a tel nom. أن الله subhanahu wa ta'ala il a tel sifa. Et كذلك, vu qu'Allah il a ce nom et cet attribut, ça va impliquer une autre chose, des autres noms. مفهوم هذا. On peut citer un autre mythal. Ou c'est vous qui allez citer un mythal. Je peux vous aider en vous donnant l'ism. مثلا, il en a cité هنا et on peut citer d'autres. Ism al-Razzaq. Ism al-Razzaq. وهو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل تستفيد منه دلالة مطابقة تستفيد منه ماذا عندما تفضل هذا اللفظ وديت بيتو وديت هذا اللفظ الرزاق يدل dès que tu entends le mot le nom الرزاق فيدل على ماذا تفضل قبل ذلك ان الله هو الرزاق على ذات الله عز وجل ان الله هو الرزاق tu comprends هذا الرزاق c'est que Allah سبحانه وتعالى il a هذا الاسم donc Allah il existe c'est الرزاق et ثانيا تستفيد ماذا اننا عندنا صفة الرزق صفة الرزق ils vont pas être d'accord avec toi عندما صفة ماذا on prend de الرزاق عندما صفة الرزق بالفتح أما الرزق زي مخلوق عندي مثلا تلك شو ستون رزق الله سبحانه وتعالى ندن دو رزق الرزق اللي مخلوق أما الصفة اللي با مخلوقة فالعلماء يدفرنسي دي صفة الرزق بالفتح فتح الراء فالصفة سي الرزق et ce que tu vas obtenir أنت بفضل الله عز وجل سي الرزق بالكاس هذه سي une فائدة استفدناها من هذا الاسم ça c'est دلالة المطابقة اسم الرزاق يدل على ذات الله عز وجل، صفة الرزق. وبالتضمن ماذا تستفيد هذا الاسم quand tu l'entends؟ دلالة تضمن تستفيد ماذا؟ تفضل. إن الله يدل على أن الله عز وجل يرزق. نعم. Qu'est-ce qui rajoute؟ الله عز وجل عنده صفة الكرم. لا، نحن في التضمن. On est pas في الالتزام. على صفة الرزق. نعم، وعلى زد، وعلى الذات وحدها. هذا في الحقيقة التضمن والمطابقة ساسغسون صف كل مطابقة سانغلوبتو التضمن انغيبت هي دلالة لفت على جزء معناه سيئن بختي فقط مفهوم. فهنا اندي أن دلالة التضمن في اسم الرزاق سيكوا تستفيد تسيك أن الله سبحانه وتعالى سي الرزاق. Si tu veux, on te demande une autre. An Allah, il a sifat al-rasq. Et tu ne les cites pas tous là, une faqat. Contrairement à Tadamun, ça englobe tout. Al-iltizam, indaman, quand tu entends ism al-razzaq. Hadhihi, hadhal ism. Fal haqiqa, c'est un stavid, une va'ida azima. Avec cette règle. Tfaddal. أحسن تستفيد دلالة التزام أن الله سبحانه وتعالى كريم غني حي. Est-ce que le mort il peut donner؟ أبدا. الله il est vivant. كذلك أن الله il a le قدرة. Est-ce que celui qui n'a pas il peut donner؟ Tu peux pas donner une chose que t'as pas. الله il possède tout. وهكذا أن الله il est كريم. كذلك c'est من باب الرحمة. أن الله سبحانه وتعالى il donne من باب الرحمة. وهكذا وهكذا. بعضهم اللي donne من باب الاستدراج. وأن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين. avec هذا الاسم في الحقيقة si tu viens à détailler دلالة الالتزام et tout ce que ce اسم va impliquer tu vas détailler جدا. c'est exactement comme هذا المثال. أن cette maison ça implique quoi؟ ça implique un maçon، ça implique une terre، ça implique un électricien، ça implique un architecte. qui c'est qui a fait le plan؟ c'est un architecte، un maçon، un plombier. comme de gens ils ont participé à ce projet. c'est ça دلالة الالتزام. Si tu as compris هذا, et Inch'Allah c'est compris, المراجعة, on fera المراجعة avec d'autres noms. Et si tu veux comprendre cette qaïda, entraîne-toi. Tu choisis un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras que tu pourras tirer des choses avec هذه القaïda. قال الشيخ العثيمين رحمه الله ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة الطلاق قال الله سبحانه وتعالى إلى السيتي أنه إلى كخيل السيو لطيق قال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. عند من؟ pourquoi شغل معتمين إلى السيتي سميثال أو plutôt qui c'est qui applique سميثال على القاعدة que le troisième point فقط الالتزام. عند من؟ تفضل. إن الله خلق السماوات والأرض. فالاسم سكوا؟ الخالق. هذا الاسم الخالق شيخ ابن عثيمين يستخدمه سو مثال pour te montrer دلالة الالتزام. تفضل. تدل على اسم يدل. نعم. يدل على أن الله على كل شيء قدير. لماذا؟ لأن الخالق forcément أحسنت. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité عز وجل أنه il a créé les cieux et la terre, c'est le créateur. ثم قال عز وجل لتعلموا et afin que vous sachiez أن الله على كل شيء قدير. ça montre أن الخالق forcément quand tu entends le nom خالق ça implique forcément القدرة. c'est ça دلالة الالتزام. الالتزام c'est ce que ça va impliquer. Al-mutabaqa, c'est tout ce que ça comporte. Une maison, c'est fait de kada kada. Al-tadamun, c'est une partie. Fal-iltizam, c'est ce que ça va impliquer. Fal-ismul khaliq, quand tu entends que Allah, c'est le khaliq, forcément, tu comprends annahu il a de la qudra, azza wa jal. Bel, il est capable de tout. Et كذلك, une autre sifa, قال عز وجل, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Sifatul ilm. Léana, le créateur, forcément, il a du ilm. Léana, la création, Tu prends n'importe quelle créature, la haqiqa, c'est des créatures adjib, l'être humain. Il y a, si tu viens détailler le corps humain, il y a des ayat min ayatillah. Fala shak anna le créateur, il a du ilm. Bel, comme on parle, Azza wa Jal, qad ahata bi kulli shay'in ilma. Il sait tout. Azza wa Jal. Enfin, n'importe quel ism, tu verras que tu pourras déduire des fawa'id azim. قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. صحيح أن دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم لكن avec une condition إذا تدبر المعنى. Pourquoi العلماء d'un verset أو d'un hadith Ahyanan, il cite des dizaines, des centaines de fawa'id. Et anta, peut-être que tu vas lire, si tu arrives à comprendre le sens, alhamdulillah. Lakin man tadabbara al-ma'na, celui qui médite, qui réfléchit, qui analyse, et bien sûr, il faut du ilm. Il y en a celui qui analyse et qui n'a pas d'ilm, peut-être qu'il va citer des choses fausses, il va se tromper. Lakin al-alim, vu qu'il a du ilm, et en plus il donne du temps, wa yatadabbar al-ma'ani, il médite, il analyse, ahyanan, il cite des fawa'id kathir. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, tata'ajjab, dans ses livres, ahyanan des hadiths ou un verset, toutes les choses qu'il cite. L'imam Shafi'i, rahimahullah, yadhkuroun, il a cité des dizaines de fawa'id, bel rubbama une centaine, min qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya aba umayr ma fa'alan nughayr. Le frère de Anas, radiyallahu anhu, quand son oiseau il est mort, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est passé, il a trouvé cet enfant, sa kunya c'était Abu Umayr, il l'a trouvé, il était triste. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé pourquoi cet enfant il est triste, ils lui ont expliqué, son oiseau il est mort. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est passé vers cet enfant, il lui a dit, Ya Abu Umayr, ma fa'alan nughayr. Regarde ce hadith. Ya Abu Umayr, qu'est-ce que l'oiseau il a fait? Et c'était pour le distraire, pour qu'il oublie, pour qu'il ne soit pas triste. Al-Imam Shafi'i, rahimahullah, il a cité une centaine de fa'idah fi hadha al-hadith. Si on vient à réfléchir, peut-être qu'on va en trouver deux ou trois. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a donné de l'importance à cet enfant. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a essayé de le consoler. Un l'enfant, il a le droit d'avoir une kunya, Abu Umayr. Tu vas trouver trois, quatre, cinq fa'idah min al-hadith. Il a dépassé les 100, rahmatullah alayhi. Le hadith, c'est une phrase. Et anta, quand tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est qu'une histoire. Il y a des ahkam azim. Par rapport aux enfants, par rapport à da'wa ila akhir. Ça, c'est dalalatul iltizam. Et ce hadith, il y a des choses que ça implique. الإمام الشافعي اللي ذاسته هذا قول شيخ ابن عثيمين أن هذه الدلالة مفيدة لطالب العلم قال فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة نعم beaucoup de مسائل elles sont déduites et pour aller déduire de ce hadith واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. À partir de ce passage, Cheikh Mu'azimin rahimahullah il a cité en guise de faïda هنا ما يتعلق باللازم. Ça n'a plus rien à voir avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Vous verrez que avec le reste du kalam c'est autre chose. C'est une faïda fi at-talazum ou al-lazim min al-qawl. Enfin, chaque parole, elle va impliquer des choses. Qala Cheikh Nadhimin rahimahullah, i'lam anna al-lazim min qawlillahi ta'ala wa qawl ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, idha sahha an yakun laziman. Avec hadha al-qayd, c'est forcément le haqq. Famathalan, si tu as un verset ou un hadith du prophète alayhi salatu salam, et ce hadith ou ce verset, ça va impliquer une chose. I'lam, bien sûr, si cette chose qui est impliquée, c'est haq. Fa'lam anna sulazim, ça sera le haq. Mathalan, qawlullah azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyin. In ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyin. Et si un fasiq, il nous rapporte une chose, une nouvelle, فلا بد من ال من ال من التحري نتبين ونرجع est-ce que c'est حق ام لا لماذا لانه c'est un fasiq il est capable de mentir لانه il est connu pour le fisq à cause des péchés à cause des innovations et là après enfin on fait attention Il est susceptible de mentir. Qu'est-ce que ça va impliquer, Hada? Ça va impliquer, Anna, si celui qui te rapporte cette information, ce n'est pas un fasiq, tu acceptes son qawl. Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun. Ça implique, lazim, هذا القول, هذه الآية العظيمة, أنه si صاحب النبأ, صاحب هذا الخبر, c'est un thiqa, c'est une personne de confiance, on accepte. Vous avez compris. Donc, lazim min قول الله wa قول الرسول, sallallahu alayhi wa sallam, c'est forcément le haq. بشرط أن يكون لازما. أما si c'est batil, on n'accepte pas, أبدا. فمثلا, on a donné un exemple في لازم الحق, c'est حق, on donne un exemple في batil. Et on commence par un exemple fil asma et wassifa. Léana, c'est notre cours. قول الله عز وجل وهو السميع البصير بعض المنحرفين المعطلة. Ils ont pensé que si tu dis أن الله il est السميع البصير, ça va impliquer que Allah il ressemble aux créatures. Est-ce que هذا اللازم il est حق, il est باطل? لماذا? Léana, qui c'est qui a compris هذا? Qui c'est qui a compris que le fait de dire Allah il entend et voit, ça fait ressembler aux créatures? C'est Al-Mu'attil. Imma Jahmi, imma Mu'tazili, imma Munharif, min Al-Munharifin. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, wa Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, athbatu hadhihi al-asma wa hadhihi al-sibat. Fa nahnu nuthbituha. C'est pour ça que nous on contredit ha'oula. Dans ce lazim, on dit c'est un lazim batil. On dit nahnu Allah il entend, il voit, ça ressemble pas aux créatures. Bel, ça montre que Allah il a des attributs parfaits, ça fait monter l'iman et l'akhir, il n'y a aucun problème. Mafhoum? Donc, al-lazim, pour qu'on l'accepte, il faut que ça soit le haq. Deuxième mythal, mathalan, ba'duhum, ils ont compris, min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou min hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu il a rendu visite à un juif, Zara Yahudi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs hadiths dans ça. Ba'duhum, ils ont compris qu'on a le droit d'aimer les juifs. Limada, ta'ammalu, ils ont fait le lien entre la visite et aimer. Si tu visites quelqu'un, c'est que tu l'aimes. C'est un lazim batil. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a visité un juif, ce n'était pas parce qu'il l'aimait. Abadan. Lazim al-haq, c'est quoi? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a visité pour da'wah. C'est pour ça que Ahl al-Sunnah, comment ils comprennent ces hadiths? Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un bon comportement avec ses voisins, même si c'était un juif. Anna il a rendu visite à un juif malade. Bitta'wa. Wa dalil ala hada anna dans le hadith. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a visité le juif et il lui a fait da'wa. Et ce juif, aslam, il s'est converti. Donc, man Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aimé. Les sahaba, ils l'ont aimé parce que c'est devenu un croyant. Amma, au départ, la visite, elle avait un qasd azim, c'était à da'wa. Et il lui, le prêcher à l'islam, lui montrer le haq. C'est pour ça que nous, les ulama, ils font des fatawas. Est-ce que je peux visiter mon voisin si c'est un kafir? Ils te disent, non. Non, si c'est pour lui faire da'wa et tarjou, annahu il accepte le khayr, visite-le. Lillahi azza wa jalla. S'il accepte, alhamdulillah, s'il accepte pas, fa al-hujja qamat alayhi, il se fait du tort qu'à lui-même. Amma comprendre que, vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a visité les juifs, il faut tolérer la croyance des juifs. Bel, c'est nos frères. Bel, il faut les aimer. C'est nos proches. On doit les prendre comme nos prochains. Tout ça, c'est un lazim kufri. Et ça, c'est un lazim de zindiq, iyadun billah. Ça contredit al-usul. Ça nous montre mada? Ça nous montre anna qawluhu alayhi rahmatullah. Aïna hada? Wa dhalika, na'am. Yakun laziman fa huwa al-haq. On répète, na'am. Qawluhu idha saha an yakun laziman. Ça, c'est très très important. Léanna, si on ouvre cette porte, anna chacun déduit ce qu'il veut des versets et des ahadith, fa iyadun billah. Ça va ouvrir une énorme porte à l'égarement. قوله إذا صح أن يكون لازما, c'est pas n'importe qui parle في هذا. C'est Ahlul Ilm. Et كذلك, le lazim qui est haq, c'est le lazim que Salaf ils ont compris. Est-ce que Salaf ils ont compris? Un Nabi sallam, quand il a visité un juif parmi les juifs, ça veut dire qu'un Nabi sallam, il l'aimait. Un Nabi sallam, il a accepté leur dîn et il a toléré leur croyance qui est du kufr. Abadan. Les salafs, ils n'ont jamais compris ça. N'importe quel savant, tu verras que عند الحديث il t'expliquera « c'est min bab الدعوة إلى آخره ». Qui c'est qui a compris ça? C'est les munharifoun à notre époque. Qui veulent appeler au rassemblement des religions, à la liberté, à la tolérance. Haoula, ils ont pris ce hadith et ils ont déduit ça. Min bab الهوa. Ça te montre anna al-lazim, il doit être fondé sur des usuls de notre dîn. Enfin, parmi les fondements de notre dîn, on n'a pas le droit d'aimer les kuffars. Comment expliquer Un hadith avec une chose qui contredit un fondement. Na'oudou billah. Notre, parmi les fondements de notre dîn, en Allah, il ne ressemble pas à la créature. Laïssa kamitlihi shay, c'est un fondement. Comment expliquer anna ism as-sami' wal-basir? Ça implique la ressemblance. Iyadam billah. C'est pour ça que qawl Cheikh Al-Uthaymeen, il est important. Lamma qala, on répète. يعلم أن اللازم من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق لماذا؟ لأنه سبب أسكن تخدير قال وذلك لأن كلام الله ورسوله حق لازم الحق حق فمثلا le fondement أن الله ne ressemble pas aux créatures c'est le حق أم لا c'est le حق on est tous d'accord الله سبحانه وتعالى il a des noms des attributs مثلا السميع والبصير c'est حق أم لا نعم Le fait que ça implique une ressemblance, c'est haqam là, c'est batel, ça ne peut pas être lazim. Ah, c'est très très simple. Tu as le verset ou le hadith, tu as ce que ça implique, thumma, tu regardes ce que ça implique, est-ce que ça contredit des preuves amla. Si ça contredit des preuves, c'est que c'est faux. Ça ne peut pas être un lazim. Et il y a beaucoup d'exemples fi hadhal bab. Sifat al-Rahma. Ba'dhum limada, ils ont rejeté Sifat al-Rahma. Lianna pour eux, al-Rahma, ça implique mada. L'être humain, quand il est rahim, peut-être que sa rahman veut le pousser à pardonner des choses, à fermer des yeux sur des choses, à se taire sur le haq. On le voit hada avec les mamans. Mais shiddat al-rahman envers les enfants, des fois, les protège alors que cet enfant, il se fait du mal. Donc eux, ils ont dit, cette rahman, elle est fondée sur la faiblesse. Allah, il ne peut pas avoir de rahman. C'est batil. Al-lazim, il est batil. L'imad, elle est anna rahmat Allah Azza wa Jalla, elle ressemble à rien à la rahman de la créature. Hada al-kalam. Il est mufid jidda. فاللازم عند قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم si il est haq, il est fondé على الحق على مذهب السلف, c'est forcément haq. Deuxième chose, اللازم من قول البشر. Et on ne parle plus de قول الله عز وجل, قول الرسول صلى الله عليه وسلم, qui est forcément haq, il est fondé sur le haq. الآن قول البشر, quand un de nous il parle, ça va impliquer des choses. Et ça c'est mufid jidda. قال وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات أما اللازم on prend un exemple une personne elle dit un kalam ce kalam ça va impliquer des choses فالآن tu auras trois cas est-ce que ce lazim on va dire que Foulan il a voulu dire cela أم لا c'est ça qui est important là. مثلا واحد il dit une chose et cette chose ça va impliquer quelque chose Mathalan, il dit Madri, un exemple on peut citer, il dit une chose et cette chose ça va impliquer à takfir. Cette chose qu'il dit, ça va impliquer à takfir. Et Annaou, il fait sortir de l'islam un tel. Lakin, lui, il n'a pas fait sortir de l'islam directement. Il n'a pas dit Foulan, c'est un kafir. Lakin, il dit une phrase et cette phrase, on comprend, ça peut impliquer à takfir. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'un tel, il a kafir un tel? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il a dit cette chose? Donc, forcément, il a. Rendu mécréant un tel. Il y a trois cas. قال الأول أو الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد أقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدود أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه Premier exemple واحد يدين بغل نحن نسيت الاجزام في التكفير ونرجع الاجزام دو شيخ ابن عثيمين أولا واحد يسيت une parole مثلا أن الله سبحانه وتعالى يرحم الله سبحانه وتعالى يفهم ذلك أو أن الله سبحانه وتعالى يغفر Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Si واحد qui n'accepte pas صفات الأفعال هنا المراد في الأشعر Si واحد مثلا أشعري il te dit ça veut dire que tu dis que Allah il fait une chose qu'il n'avait pas fait avant. C'est ça قوله حادث مثلا Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui il a رحم tel enfant. Ça veut dire qu'hier il n'avait pas رحم. نحن on dit oui c'est une صفة فعلية. Elle est متعلقه بالمشيء Allah il fait ce qu'il veut. Il a voulu رحم aujourd'hui cet enfant. Ils vont dire, donc tu dis que Allah il fait une chose nouvelle. Si tu acceptes Adal Lazim, tu dis naam. Naam, mais c'est haq. Et les versets que الشيخ ابن عثيمين إلى ستين سدي أدلة على هذا. قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذك أن تنفذ كلمات ربي. Ça montre que Allah سبحانه وتعالى il parle quand il veut عز وجل. أما هم الأشاعرة qu'est-ce qu'ils ont dit؟ أن الكلام إلى قديم comme on a vu dans الاقتصاد. أنت tu leur réponds أن الله سبحانه وتعالى il parle quand il veut et il parlera يوم القيامة et il parle avec qui il veut عز وجل. Est-ce que ça va impliquer une faiblesse؟ أبدا أبدا لأن الله عز وجل كما في الآية الأخرى فعال لما يريد il fait ce qu'il veut سبحانه. Donc هذا لازم on l'accepte. Dans ce cas-là tu peux dire أن tel homme نعم il dit telle chose et il croit telle chose. لماذا لأن tu l'as accepté. On revient à notre exemple du تكفير pour éclaircir أكثر. واحد il dit une parole sur une autre personne et نحن on comprend le تكفير. Avant de se précipiter et dire ouah فلان il a fait تكفير sur فلان, on lui demande ya أخي tu as dit telle chose et telle chose et telle chose. Et nous, on a compris que tu kaffar un tel. Si il dit na'am, fa le lazim, ça devient son qawl. Et on peut dire na'am, un tel, il kaffar un tel. Si il dit la, j'ai pas voulu dire hada. Je me suis mal exprimé. Fi hada al-hal, on n'a pas le droit. Vous avez vu la différence. Amma fi haqqillah wa haqqir rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, kalamuhu fi al-Qur'an, tout ce que ça implique, Allah subhanahu wa ta'ala alim bi kulli shay, il l'a révélé, donc ce que ça implique c'est que c'est haq. Amma l'être humain là, limada, c'est quoi la différence? Indaman, vous suivez? Ah, tfaddal. Ahsant, lian l'être humain, combien de fois nous on dit des choses sous l'effet de la colère? Ou la tristesse? Ou ayadam billah, des passions? Ou on se trompe? Ou on dit une chose, on n'a même pas réfléchi? Thumma, quand on nous dit, mais ton kalam il applique à hada, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, astaghfirullah, j'ai pas voulu dire hada. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim. C'est Rabbul Alamin. Fait tout ce qu'il dit, est-ce que ça implique, bien sûr, tant que c'est haq, fait c'est que c'est le haq. Voilà. Et fait l'haqiqa, avec cet exemple, on a cité l'autre cas qu'on va lire l'un ensemble. قال الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله مثل أن يقول للنافل الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون لله تعالى مشابها للخلق في صفاته. Deuxième exemple, c'est qu'on te cite اللازم et tu n'acceptes pas. On a cité l'exemple avec تكفير. مثلا هنا أنت تدي أن الله سبحانه وتعالى إلى الدم أشعري منحرف محرف يقول أنت ça veut dire que tu prétends qu'Allah il ressemble aux créatures. Et لازم القول عنده c'est ça. Le fait de dire qu'Allah il a des mains, ça implique pour lui que ça ressemble aux créatures. أنت في هذا الحال tu dis ce لازم il est faux. Et cette implication que tu prétends, elle est fausse. J'ai jamais dit ça moi. Moi je dis qu'Allah il a des mains. J'ai jamais dit qu'il ressemble aux créatures. Enfin في هذا الحال on n'a pas le droit de dire sur cette personne ah non il fait ressembler Allah aux créatures là. Et là c'est pas son intention, c'est pas son but. قال فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقا حتى يمكن ما ألزمت به صحيح. Ça c'est important. لا يلزم ذلك لماذا لأن صفة الخالق مضافة إليه. Quand on dit les mains, يد الله. Pourquoi comprendre que c'est les mains de la créature alors qu'on vient de dire يد الله? On a dit les mains d'Allah, on n'a pas dit les mains de la créature. Donc quand on dit les mains d'Allah عز وجل, c'est que c'est les mains d'Allah. Elle ne ressemble pas au créateur. Quand on dit les mains de l'être humain, c'est des mains d'être humain. C'est fait de chair, de sang, d'os, il a akhir. قال وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. Quand on dit les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, مختصة به لائقة به. Quand on dit les mains de l'être humain, مختصة به لائقة به. Ça implique tout ce que ça implique d'être humain. Elle a cette main, elle peut se blesser, elle peut être coupée, elle peut. Il est akhir, c'est une main qui est créée, etc. Fi haqqillah, c'est pas une main qui est créée, elle ressemble pas aux mains des créatures, c'est une main parfaite, il est akhir. قال كما أنك أيها النافل الصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات. Et ça, c'est un kalam jamil. Hum, ils vont dire là, le fait que vous dites que Allah il a des attributs, ça implique que vous faites ressembler Allah à la créature. C'est pour ça qu'ils ont rejeté les attributs. Nous, on leur dit, vous dites que Allah il a un dhat, un être. Ils vont dire, na'am, Allah il existe, il a akhir. Ou, an Allah il est mawjoud. Ils vont dire, na'am. On va leur dire, nous, donc, vous avez fait ressembler Allah à la créature. Pourquoi? Les créatures kadhalik, ils ont un dhat, ils ont des êtres, et elles existent, et ils ont une vie. Ils vont dire, là, c'est pas la même chose. Enfin, on leur dit, as-sifat, c'est pas la même chose. Elle est où la différence entre as-sifat et dhat? Les attributs et d'être, il n'y a aucune différence. Les attributs, elles ne sont pas créées. Et d'être, il n'est pas créé. Les attributs ne ressemblent pas à la créature. Et d'être, il ne ressemble pas à la créature. C'est la même chose. قال وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. Dans ces deux cas, c'est clair. Le premier, s'il accepte, enfin, on dit c'est son qawl. Le deuxième, s'il n'accepte pas, c'est pas son qawl. On revient au takfir. Wahed, il a dit une parole sur un frère, on a compris le takfir. S'il nous dit là, j'ai pas voulu un takfir. On lui dit, taqillah, tu t'es mal exprimé, tu te corriges. Il se corrige, on ne dit pas qu'il a kafir. Un deuxième cas, il dit na'am, j'accepte un hal. Oui, j'ai voulu dire que c'est un kafir. On dira, anna fulan, il a rendu kafir fulan. Vous avez compris, lazim al-qawl, s'il l'accepte, c'est son qawl, s'il le rejette, c'est pas son qawl. Il reste un troisième cas, al-hal, al-thalitha, an yakun lazim maskoutan anhu, fala yudhkar, biltizam wala man'a. فحكمه في هذا الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به. Et ça te sera très très utile, أخي الكريم, بإذن الله. أحيانا, tu peux pas demander à la personne qu'est-ce qu'elle pense. Tu entends un cheikh dire une parole. Tu entends l'imam de la mosquée dire une parole. Tu entends ton voisin dire une parole. Tu entends un de tes amis dire une parole. Tu peux comprendre qu'il a voulu dire telle chose. في هذا الحال, si اللازم il est مسكوت عنه, tu sais pas. Enfin, tu ne peux pas dire Annahu, il a voulu dire. L'imam, c'est un être humain, peut-être qu'il a dit cette chose, et il n'a même pas pensé à ce que tu as pensé. On n'a pas le droit. On ne peut pas dire que l'implication de sa parole, c'est sa parole. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم. صحيح. Peut-être que si on aurait dit à cet homme, Anna, tu as dit telle chose, ça implique telle chose, peut-être qu'il aurait dit Na'an. J'accepte, peut-être qu'il aurait dit là, j'ai jamais voulu dire là. Donc on reste sur l'asl, annahu, il l'a pas dit. La base, c'est qu'il a dit cette chose, même là, la base, c'est qu'il a rien dit. On reste sur la base. قال ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلان ان يرجع عن قوله لان فاسد اللازم يدل على فساد الملزوم. صحيح انه كثيرا مثل هؤلاء quand tu leur montres ان leur parole elle implique des choses graves الى اخره فكثير منهم يرجعون. Et yastaghfirun wa yatubun, et ils regrettent. Limada, les anomies se sont précipités. Qala wa li wurud hadhayn al-ihtimalayn la yumkin al-hukm bi anna lazim al-qawl qawl. Lazim al-qawl, c'est pas forcément le qawl. Lazim al-qawl, c'est quoi? C'est ce que ça va impliquer. On reprend notre exemple du takfir pour que ça soit clair. Wahed qui a dit une chose et un tas, tu as compris, at-takfir, ça veut pas dire qu'il le kafir. Limada, les anna lazim al-qawl, c'est pas un qawl. Son qawl, c'est ce qu'il prononce clairement. Mais ce que ça implique, fa'ala at-tafsil. S'il accepte, s'il rejette, si on ne sait pas, c'est pas son qawl. Qala, fa'in qila, idha kan hadha lazim, laziman min qawlih, lazima an yakun qawlan lah. Lianna dhalik huwa al-asl, la siyama ma'a qurb at-talazum. Wahad, il peut dire hadha. Il peut dire, lakin on n'a pas inventé. Il a dit, on reprend notre exemple du takfir. Il a dit des choses, ça nous a paru bizarre sur tel frère, et rubbama shaddada alay, des paroles dures il a agré, donc on n'a pas inventé non plus. Pardon, ils disent donc ce qu'il a voulu dire, c'est son qawl. Cheikh Ibn Uthaymeen قال قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. Ça montre إنصاف أهل العلم. أن هذا الإنسان, peut-être qu'il a dit une parole, et cette parole elle peut impliquer des choses, لكن tant qu'il n'a pas accepté اللازم, on ne peut pas dire que c'est sa parole. لماذا؟ لأن كما قال شيخ ابن عثيمين, ربما غفلة. Il a dit une chose et il n'a même pas pensé à la gravité. ربما يسهو, il a oublié et il s'est trompé. ربما ينغلق فكره. وهذا يحصل بسبب الغضب. Peut-être que tellement qu'il était énervé, il dit des choses, il voit même plus la portée de sa parole. Mais après cette calme, si je le montre, il dit نعم, نعم, أنا, si j'ai dit ça là, ne comprenez pas de moi telle chose. وهذا أو يقول في مضايق المناظرات. Et ça arrive souvent. أن إنسان يناظر آخر, أي lors d'un débat, et أحيانا tu dis une chose vu que c'est un débat, فربما t'as pas pensé à certaines choses et خصمك qu'il l'utilise. Et celui qui a débattu avec toi, Obama, il l'utilise contre toi. هذا باب الإنصاف. Tant que l'insan, il n'a pas صرح que ce que ça implique son قول, il le voulait, on n'a pas le droit de dire qu'il a voulu dire telle chose. فهذا. Et كم من فتن عيادا بالله نشأت بسبب هذا. Combien de gens, ils accusent d'autres gens باللازم. S'il est à tel endroit, c'est qu'il a voulu telle chose. ويحكمون عليه. Ou s'il a parlé avec un tel, c'est qu'en fait, derrière la tête, il avait telle chose. Donc c'est un kada. Ça, c'est grave. Même avec ton pire ennemi, tu n'as pas le droit de te comporter à kada. Limada, li anna ahl al-ilm, ils ont cité des règles, et parmi ces règles, anna lazim al-qawl, ce n'est pas forcément un qawl de la personne. Lakin bi sabab al-hiqd wal-hawa, et al-hub al-duhur, بعض الناس يتلدها, la jalousie. La rancune, la rancœur, vouloir avoir le dessus, ils font tout pour bloquer un tel ou un tel avec Hada. Pardon, ils sortent des enregistrements d'il y a quelques années. Awalan, si t'es sincère, Limada, tu conseilles pas le frère directement. Limada, les enregistrements, ils sont cachés, ils sont sortis 6 mois, 1 an, 10 ans après. Limada, ça montre qu'il y a un manque dans ça. Thanyan, certaines choses des enregistrements, les insens, il n'a pas dit telle chose, c'est eux qui ont compris. فلهذا احيانا tu entends ان البعض يزكز ان تل من الناس انه ان تل سان تكفيري او سان مرجي او كذا انت tu t'attends à une preuve claire ou اعتراف انه il a admis انه quand tu écoutes là c'est pas ça eux ils ont compris من كلامه التكفير او الارجاء او التعطيل وطر من البدع والضلالات فلنتق الله جميعا on fait attention. لأن celui qui veut faire du mal à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala alim. Et on n'a pas le droit. Même avec les égarés, on n'espère pas leur égarement. Là, on fait tout pour leur montrer. Ah, mais celui qui veut l'égarement, il n'écoute pas. Il est responsable de lui-même. Mais qu'il vouloir faire tomber les autres, vouloir avoir le dessus, vouloir qu'un tel il s'égare, yadam billah, khasatan ton frère. Khasatan ton frère sunni. Khasatan ton frère, c'est un sunni, c'est un talib ilm. Ah, s'il s'est trompé, montre-lui. Ah, mais essayer de trouver des erreurs. Ou essayer de déformer ses paroles, ça c'est très très grave. Al-insaf, c'est que si on sait qu'un frère, matalan, il est tombé dans un égarement, on pense qu'il s'est égaré, on le conseille. Ya Foulan, tu as dit telle chose. Ya Foulan, ton kalam, il implique des choses graves. S'il s'entête et il dit na'am, al-ulama, yahkumun alayh par rapport à son rôle. S'il revient et il dit astaghfirullah, et je me suis trompé, j'ai pas voulu dire hada, pourquoi le faire tomber? Alhamdulillah, l'essentiel c'est qu'il revienne, il revient au haq, il montre son erreur, si c'était une erreur en public. Alhamdulillah, intahina. Tout ça, ça revient à quoi, ya jama'a? Al-ikhlas. Celui qui veut faire tomber les autres, il veut se montrer, ayyadam billah, et il manque de sincérité, il avance plus l'illah azza wa jal. Khasatan, on parle dans le domaine du ilm, là, il avance pour lui. Ça, c'est très très grave. Celui qui avance pour lui, il est à la khatar azim. Limada, il fera tout que pour sa propre personne. Celui qui est d'accord avec lui, il est guidé. Celui qui est en désaccord avec lui, il est égaré. Et pour prouver son égarement, ça va commencer à chercher, comme on a des anciens audios, où tu as dit, si tu as dit ça, c'est forcément que tu penses ça. Et ça ouvre des portes d'égarement et de fitna. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, as-sidq wal-ikhlas wal-thabat. Hada. ما يتعلق بهذه القاعدة لا ريكابيتول القاعدة الرابعة أن دلالة الأسماء quand tu as un nom parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى هذا اللفظ يدل على ذات الله وصفاته إما بالمطابقة بالمطابقة ça veut dire que اسم الخالق tu déduis أن الله سبحانه وتعالى c'est le خالق إلى صفة الخلق إما tu comprends de اسم الخالق صفة الخلق maintenant on te demande un délil sur Al-Khalq. An Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifat Al-Khalq. Tu peux citer un délil avec Ism Al-Khalq. Et si on te dit, mais on ne t'a pas demandé un délil sur Al-Khalq, on t'a demandé sur Al-Khalq, tu répondras, si c'est Al-Khalq, c'est forcément il a sifat Al-Khalq. C'est ça. Dalalatu At-Tadammun. Et كذلك هذا Ism Al-Khalq بالالتزام. Ce Ism va impliquer des choses. An Allah subhanahu wa ta'ala alimun qadirun qawiyun ila akhir. Fa-qa'idatun مهمة وعظيمة ريفيزيلها. Elle peut être compliquée pour certains au départ. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ المطابقة والتضمن والالتزام au départ, ça peut paraître compliqué. On a essayé de clarifier le plus simplement possible avec ce مثال, la maison, pour comprendre هذه الألفاظ. فإنشاءالله ça vous aidera. Et les frères qui n'ont pas compris, le prochain cours, on essaiera de voir ensemble. وعلى كل حال, celui qui n'a pas compris, Inch'Allah, avec les autres qawa'id, ça sera plus simple. Ces qawa'id, tu les comprendras, Akhil Karim, plus avec le temps. Quand tu auras compris que Ba'd Ahlul Bida, ils ont rejeté Dalalatul Iltizam. Les madal, ils rejettent Sifat Al-Af'al. Al-Ash'ira, ça sera plus clair. Et celui qui n'a pas compris, bah, alhamdoulilah, il continue le livre. Tu comprendras, si tu n'as pas compris cette fois-ci, tu comprendras une autre fois. Cette qaïda, c'était la plus compliquée au niveau linguistique. Les mots que Cheikh Ibn Taymiyyah a utilisés, c'était les plus compliqués dans le livre. Inch'Allah, c'est très très simple. Tfadda. Ah, si vous voulez les écrire l'an, hatta ceux qui nous écoutent, Obama, ils veulent les recopier. Dalalatu al-mutabaqa hiya dalalatu al-lav. Hiya dalalatu al-lav. Ala tamam al-ma'na. Ala tamam al-ma'na. Hiya dalalatu al-lav. Ala tamam al-ma'na. Alladhi wudhi'ala. الذي وضع له هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له أي ce lafz il est employé مثلا pour la maison tu comprends دلالة مطابقة أن cette maison elle est faite de telle chose telle chose telle chose des murs des portes des fenêtres il a arrêté du ciment du béton tout ça Tu le comprends, dalalat min dalalat mutabaq. Dalalat al-tadammun, hiya dalalat al-lafz, ala juz ma'na, une partie faqat. Dalalat al-lafz, ala juz ma'na, hiya dalalat al-lafz, ala juz ma'na, ay une partie faqat. Dalalat al-iltizam, hiya dalalat al-lafz, ay quand tu entends ce lafz, مثلا الخالق على أمر خارج عن معناه دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه أي ستستفيد من شيء لكن خارج عن معنى للفظ que tu as مثلا البيت فستستفيد من شيء qui n'est pas directement fait pas partie du bait là c'est une chose qui est à l'extérieur لكن elle est liée avec ce bait on avait donné l'exemple du maçon قال دلالة اللفظ على أمر خارج عن معنى لازم له tu rajoutes لازم له même si c'est خارج عن معنى لكن c'est lié avec هذا اللفظ مثلا البيت la maison هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معنى لازم له هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معنى لازم له وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى السيتي هذه الألفاظ إليزا إكسبيكي دانز اون كلمة تخي بغيف اون لا لي انصامبل في الفتاوى رحمه الله قال فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة طول نود الله سبحانه وتعالى تدل على ذات الله فاس لا بخومييغ ريغل كون افي انصامبل أو لا دوزيام ريغل أعلام وأوصاف فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة أي الله سي الله الرحمن سي الله الملك سي الله الخالق سي الله كلها الدالة على الله سبحانه وتعالى على نفسه المقدسة قالت ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته chaque nom il englobe un attribut parfait la deuxième قاعدة toujours أعلام وأوصف قال ليس هو المعنى الذي دل على الاسم الآخر On avait dit mutabayyina. Al-asma mutaradifa ay tadul kulluha ala nafsihi al-muqaddasa. Et ces noms, ils englobent un attribut parfait. Ces attributs, ils sont différents fil ma'na. Mutabayyina. Et chaque attribut, c'est une ma'na parfaite. Tout ça, c'est les premières règles. Thumma qala fasara kullu ismin yadul ala dhatihi wa sifa al-mukhtassa bihi bi tariq al-mutabaqa. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, hadhihi al-qa'ida illa résumé des paroles de l'imam al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comme ta'ala, nous stafada mina shaykhihi l'imam al-Taymiyyah. Et il a cité هذا. قال, on répète, فَصَارَ كُلُّ إِسْمٍ يَدُلْ عَلَى ذَاتِهِ وَالصِّفَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ بِطَرِيقَ الْمُطَابَقَةِ Aïe, من كل اسم, tu comprends, c'est un اسم, c'est une صفة. طريق المطابقة, ça englobe tout. قال, وَعَلَى أَحَدِهِمَا بِطَرِيقَ التَّضَمُّنِ مثلا, si je te demande ماذا استفدت من الخالق؟ إن شو اسم دي صفة الخلق؟ صار سبي دلالة ماذا التضمن. قال فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن. لا هذا كلام آخر. قال وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. كذلك tu peux déduire une autre صفة. Selon, il englobe une صفة. Et ça va impliquer des autres attributs. تستفيدها من ماذا؟ من دلالة الالتزام. مثلا الخالق صفة الخلق. Et si c'est le خالق إلى صفة الخلق, forcément il est vivant. صفة الحياة. Forcément il a la capacité. صفة القدرة. Forcément il a du علم. صفة العلم. وهكذا. Inch'Allah, je pense que la plupart vous avez compris et on révisera ensemble le prochain dars. Alhamdulillah.